Bonjour à toutes et bonjour à tous. C'est samedi, c'est l'heure de Dr Disco et Mr Funk, et encore c'est le dernier samedi du mois, donc aujourd'hui on va entamer la saga. Je vais vous proposer la saga de Change. Alors le groupe, il a été formé en 1979, et c'est un groupe italo-américain. Alors les vedettes de la chanson, Davide Romani, Luther Vandross, Diva Grey, Jacques-Fred Petrus, Justin Brown, Lisa Fisher, Mauro Malavisi, Paolo Gianolo, Gianolio ont contribué à son succès. Si certains d'entre eux n'ont fait qu'un bref passage dans le groupe, d'autres comme Jacques-Fred Petrus sont restés jusqu'au bout de l'aventure. Alors au début, Change connaît déjà la gloire et il va essayer de maintenir cette gloire jusqu'à sa dissolution. Alors classé parmi les meilleurs morceaux de disco funk, les morceaux du groupe feront l'objet de beaucoup de compilations. Le style musical, ça met un mélange de funk et de R&B. Alors vers la fin des années 70, Jacques-Fred Petrus et son meilleur ami, l'italien Mauro Malavisi, assurent la production de leur musique sous le nom de Goody Music Production. L'italien Davide Romani les rejoint en 1977, là en tant que bassiste. Vient également ensuite Paolo Gianolio à la guitare avec une solide formation classique de guitare derrière lui. Il a quand même de la bouteille, le mec. Hein. Petit à petit, ils vont acquérir une certaine réputation en Europe et un peu aussi en Amérique. En 1979, ils vont commencer un nouveau projet musical et ils vont donner le nom du groupe Change. C'était Searching. Jacques Fred Pétrus convainc ses compagnons de composer quelques titres. Mauro Malavisi et Paolo Gianniolo se mettent alors à écrire les premiers textes. D'autres auteurs-compositeurs américains vont collaborer avec le groupe. Après Justin Brown, Lisa Fischer et Luther Vandross, ils vont intégrer le groupe. En 1980, Change sort son premier album The Glow of Love, connu pour le single I Love a Holiday. L'album est un énorme succès et il reste à la tête du Billboard américain pour album durant 9 semaines. Aux États-Unis, il est même devenu l'album de l'année. Imaginez un peu. Plus tard, il fut récompensé de 7 Grammy Awards. Treasure all that's new and true and gay. Easy living and we're giving what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. Smiling faces go. It's a wonder, it's so clear. By a fountain, climbing mountains as we hold each other near. Sipping wine, we try to find that special magic from above as we share our fair talking in the glow. time will always be our friend. Reaching far to find a star, our destiny is heaven sent. Making known this loving tone, we'll never part the two of us. We will always reminisce, kissing in the glow of love. When you treasure all that's new and true and gay. Easy living when we're given what we know we're dreaming of. We are one having fun walking in the glow of love. Tout commence bien pour Change, et qui acquiert alors sa renommée mondiale. Au milieu du succès, le groupe il va songer à préparer leur deuxième album. Seulement, Jacques-Fred Petrus et Luther Vandross sont en désaccord. Et ce dernier décide alors de claquer la porte. Le groupe se retrouve alors obligé de trouver une voix semblable à celle de Luther Vandross. L'album Miracles, écrit par Davide Romani et Mauro Malavasi, il y a aussi Paolo Di Gianolio, qui il va apparaître en 1981. Le succès est encore au rendez-vous, et l'album va être considéré comme un pur chef-d'œuvre de la musique. De 1980 à 1981, Change est en tournée aux États-Unis et en Europe. Dans le même temps, les musiciens pensent à leur troisième album. Quelques changements vont s'opérer au sein du groupe. Le bassiste Tommy Allen, les chanteuses Deborah Cooper et James Robinson, le claviste Jeff Bovin, le guitariste Mike Campbell, le percussionniste Rick Galway et le saxophoniste Vince Henry débarquent en effet chez Change. Ça fait du gros renfort. Certains d'entre eux participent à la tournée de 81. En 1982, leur nouvel album Sharing Your Love sort sur le marché. Le single The Very Best in You atteint la 16e place des hits américains. 1983, suite à des problèmes financiers, Davide Romani et Mauro Malavasi se retirent. Jacques Fred Pétrus fait alors appel à Jimmy Jan et Terry Lewis qui composent la plupart des morceaux du quatrième album. Avec les précédents best-sellers, Change enchaîne avec l'album This Is Your Time en 1983 avec trois singles à succès. Il est suivi par Change of Hearts en 1984, c'est l'année de départ de Jeff Bovin. La même année, la compilation intitulée Greatest Hit a été réalisée à Milan et elle contient 8 de leurs meilleurs morceaux, dont 4 sont tirés de leur premier album. En 1985, Jacques Fred Pétrus veut une fois de plus trouver quelque chose de nouveau. Le résultat va être l'album Turn On Your Radio qui cartonne avec 3 singles. L'album va être une production de Timmy Allen, mais Jacques Fred Pétrus a coécrit le single à succès Let's Go Together. Dépourvu de ses membres les plus compétents, la vie du groupe va toucher à sa fin. Feel a wonderful feeling coming on. ans plus tard, le producteur Petrus décède, tué par un inconnu pour d'obscures raisons, ce qui contraint le groupe sans perspective à se séparer. Il faudra attendre 2010 pour que Romani annonce le retour du groupe après avoir signé un contrat avec le label Fonte Records. Suivi de la sortie d'un nouvel album, Change Your Mind, l'album là, il avait été enregistré en 1990 mais il n'était pas sorti, allez donc savoir pourquoi. En 2018, le groupe va sortir un nouvel album, Love for Love, cela sera leur dernier album. On va se quitter sur ces bonnes paroles, je vous dis bonne soirée et à samedi prochain, bye bye.